FrenchPod.com. Un Belge est en train de siroter sa bière, accoudé au comptoir. Tout à coup, un génie apparaît et lui dit : J'ai apporté des bonbons. Tu as l'air triste et esselé. Je t'offre deux vœux, parce que c'est mon jour de bonté. Je voudrais un verre de bière qui se remplisse automatiquement dès que je l'ai fini. Pas de problème. Ah ! Et pssst, le verre miraculeux apparaît. Le gars boit son verre une fois, deux fois, et ainsi de suite. Ça marche. Il se remplit à chaque fois qu'il est vide. Le génie s'impatiente et lui dit : Bon, et pour le deuxième vœu, qu'est-ce que ce sera ? La même chose. Que madame votre mère ne dira rien.